Cet après-midi, ma femme va m'aider. Et ce soir, après le travail, nous allons au cinéma. En général, nous vendons peu le matin. Mais l'après-midi et le soir, nous avons beaucoup de monde. Nos clients nous aiment bien. Nos clients sont très fidèles. Monsieur le voisin, par exemple. Je lui vends un billet chaque semaine. Chaque semaine, il me dit: Bonjour Pierre, mon billet s'il vous plaît. Les billets de loterie coûtent 3, 30 ou 50 francs. Je vends beaucoup de billets à 3 francs. Mais il est plus difficile de vendre les billets à 30 ou à 50 francs. Les gagnants peuvent gagner 30 000 francs. De temps en temps, un de mes clients gagne un gros lot. Bien entendu, d'autres ne gagnent jamais rien. Quelquefois, pour les consoler, je leur donne un billet gratuit. Monsieur le voisin, lui, a gagné 100 francs, il y a 10 ans peut-être. Ma femme, elle, m'a acheté un billet, il y a 1 an ou 2. Elle a gagné 10 francs. Elle a de la chance. Moi aussi, j'ai acheté des billets, des quantités de billets. En 20 ans, j'ai gagné 3 francs, le prix d'un billet. C'est la vie.